Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. On le sait, la France possède un des plus puissants territoires maritimes. Entre le rivage et les fameux 24 milles du large, ses côtes recouvrent plus de 10 000 km, dont 5 500 rien que pour la métropole. C'est dans cet espace que nombre de naufrages se sont déroulés. Les plus anciens remontent à l'âge du bronze, voire du fer, mais les plus nombreux appartiennent aux périodes historiques. Fortune de mer, mémoire engloutie, dont chacune relate un drame, une histoire, une époque. Le magazine de l'archéologie s'est souvent fait écho de cette recherche, notamment avec les archéologues du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le DRASM du ministère de la Culture. Ce soir, nous nous lançons dans une nouvelle problématique. Peut-on et faut-il sauver les épaves modernes d'une destruction certaine? Avec Lila Reboul, Marine Bell, bonsoir. Bonsoir. Lila Reboul, vous êtes chargée de conservation, en charge de la gestion des biens culturels maritimes au DRASM. Ingénieure de recherche, Marine Bell, vous êtes responsable recherche et développement, innovation et analyse de la société Arcoros à Arles. De belles épaves ont été mises au jour à Arles, mais actuellement, la presse locale semble très intéressée par une éventuelle épave dans les environs d'Arles. Des canons auraient été extraits des eaux bleues de la Méditerranée. Lila Reboul, le DRASM suisse dossier ? Oui, bien sûr. On suit ce dossier depuis un certain nombre d'années, puisque en fait, l'Anse Saint-Roch est occupée depuis l'Antiquité. Et dans les années 50, déjà, il y a eu des premières opérations d'archéologie sous-marine menées par le directeur du musée d'Antibes, qui ont mis au jour un certain nombre de vestiges. Malheureusement, dans les années 70, un certain nombre de dragages ont un peu pulvérisé les restes archéologiques. Et il y a eu à ce moment-là une expertise du DRASM qui ont donné des bois. Et très récemment, en janvier 2023, nous avons eu une découverte de 5 pièces d'artillerie déclarées par l'entreprise. Donc 5 canons qui seraient de la première moitié du XVIe siècle. Très beau. Alors le but, c'était de savoir si c'était des canons qui avaient été jetés dans l'eau ou c'était une épave. La recherche du bois était capitale. Voilà. Et l'affaire continue. Exactement. La recherche continue, donc il y a une expertise au mois de mars et une fois que l'étude des vestiges seront menées, on pourra éventuellement prévoir des fouilles ou plus d'opérations sur ce site. Lila Reboul, vous me parliez de dragage qui avait détruit beaucoup de choses dans les années 1960. J'ai souvenir d'être passé à Antibes et d'avoir entendu l'histoire comme quoi il y avait eu aussi quantité de pièces d'or à l'occasion qui avaient été trouvées par des habitants d'Arles. Aujourd'hui, à Arles et entre Cannes et Arles, une sorte de pillage a eu lieu? Effectivement, il y a eu un pillage l'année dernière, à peu près à cette période. Et c'est au cours d'une opération archéologique du DRASM qu'on a en quelque sorte pas pris la main dans le sac les pilleurs. Mais en tout cas, on a découvert le pillage puisque les archéologues ont découvert le site éventré, les outils. Donc ça a été mentionné au service de gendarmerie maritime. Ça a été mentionné dans la presse et une perquisition a pu être menée très rapidement et plus de 60 amphores ont été retrouvés. Et c'est un site antique qui était avant le pillage intact et ça fait partie des encore belles découvertes puisque un site en Méditerranée dans un faible fond, à moins de 20 mètres, on pensait que tout avait été découvert, pillé, mais non, il y a encore des belles choses à découvrir. Ah, le pillage est vraiment une véritable catastrophe. bien sûr pour les archéologues, mais surtout pour le patrimoine et le passé. En France, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le DRASM, a la responsabilité, la gestion, la surveillance des épaves. Avez-vous une idée du nombre de ces épaves le long des côtes françaises ? Alors, le nombre exact, non, mais le nombre enregistré dans notre base nationale, on a environ 6500, ce qu'on appelle entités archéologiques, recensées aujourd'hui dans notre base nationale. C'est pas beaucoup ? C'est pas beaucoup, compte tenu de la surface qui nous incombe, puisqu'on a 11 millions de kilomètres carrés quand même sous notre responsabilité pour ce qui touche de l'archéologie sous-marine. Je parlais des 5500 kilomètres de côte sur la métropole, ça fait une épave tous les kilomètres à peu près ? Oui, voilà. Les premières fouilles archéologiques sous-marines ont été entreprises par le commandant Cousteau dans le port de Marseille. Depuis les années 1950, le champ chronologique des recherches ne se limite plus à l'Antiquité et a considérablement élargi. Oui, oui, aujourd'hui, on rappelle que voilà, le DRASM a sous sa protection des sites allant de la grotte Kosker, donc moins 28 000 ans, jusqu'aux vestiges de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait même citer des épaves beaucoup plus récentes, comme l'Amococadix, en 1978. À qui est un objet archéologique ? Alors, qui est en tout cas enregistré dans notre base patriarche, parce que, effectivement, ça peut être considéré comme, en tout cas, c'est du patrimoine. Et la législation française ne met pas de borne chronologique pour la protection du patrimoine archéologique, comme le fait par exemple la convention de l'UNESCO de 2001 pour la protection du patrimoine subaquatique. Nous, il faut qu'il y ait un intérêt archéologique, historique, patrimonial, pour qu'on considère que c'est un bien culturel maritime, et que ça soit dans le domaine public maritime, bien entendu. Vous êtes toutes deux spécialisées dans les épaves récentes. Qu'en voit-on dans l'histoire de l'architecture navale, les premiers navires métalliques ? Alors moi, je suis surtout spécialisée en conservation du patrimoine archéologique, donc du coup un peu généraliste en archéologie puisque j'interviens un peu sur tout type de sites. Et les premiers navires métalliques, on voit les premières coques en fer au début du 19e, et puis surtout alors des cuirassés qui sont pas des coques totalement en fer, mais des coques bois blindées, et on les voit dans les batailles autour des années 1850-1860, la bataille de Crimée, les guerres de sécession, et on a ensuite des coques acier qui arrivent à la fin du 19e. À l'exception de ceux dont nous allons parler, bien sûr, quels seraient aujourd'hui les meilleurs exemples, les plus impressionnantes épaves métalliques ? J'avais bien sûr pensé au magenta cuirassé ayant explosé dans le port de Toulon en 1875 avec, curiosité, une cargaison archéologique provenant de Carthage. Mais hélas, j'ai vérifié quand même et il est en bois. Alors là, ça serait plutôt une sélection, on va dire, personnelle, celle que je retiens moi. Je retiendrai le Colombian, qui a fait naufrage en 1865. Donc une coque acier, qui était un bateau anglais, chargé de faïence d'étoffe, notamment de harnachement, et qui a donc fait naufrage au large d'Ouessant, qui est une épave emblématique parce qu'elle a été déclarée dans les années 80. Et c'est aussi à cette période que le DRASM s'est intéressé à ces épaves-là, à ces épaves contemporaines. Pas loin, il y a l'Alabama. Exact, oui, oui, il y a l'Alabama aussi sur cette côte. Je retiendrai aussi le P38 de Saint-Exupéry, découvert en 2000 au large de Marseille, quelques années après la découverte de la Gourmette. La fameuse Gourmette. Voilà, voilà. Qui avait donc fait tant de bruit. Des épaves un peu emblématiques, mais des épaves métalliques, il y en a énormément qui peuvent évoquer plein d'histoires. Je sais que c'est peut-être une colle pour vous, mais nous connaissons bien sûr le sabordage de la flotte française de Vichy le 27 novembre 1942. Qu'en reste-t-il aujourd'hui de cette flotte ? Pas grand-chose ? Pas grand-chose en effet, puisque après le sabordage, il y a eu des renflouements par les armées allemandes et italiennes. Et ensuite, très rapidement après la guerre, dans les années 50, il y a eu des dragages du port qui étaient encore très, très marqués par la guerre. Et de nouveaux dragages dernièrement pour pouvoir accueillir des nouvelles unités de la Marine nationale. Donc le port de Toulon a été largement dragué et si vestiges il y a, ils doivent être sacrément altérés. quelques caisses de munitions. Mais c'est peut-être aussi le cas, par exemple, pour Brest, Lorient, tous ces grands ports militaires ont besoin d'être dégagés et donc on les vide de leurs objets archéologiques rapidement. Oui, tous les grands ports et pas que les ports militaires. Hein, ça a été le cas d'Antibes dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, le dragage fait partie des causes de destruction du patrimoine archéologique. Marine Bell, au cours du temps, ces épaves forment des récifs artificiels avec un écosystème particulier et représentent des points d'activité économique ? Oui, absolument. Aujourd'hui, ces épaves sont de véritables récifs visités par de nombreux plongeurs. Effectivement, au moment où ces épaves tombent donc au fond des océans, des mers, il faut savoir qu'elles sont recouvertes, donc ces acides sont recouverts souvent de peinture. Et puis très rapidement, en fait, les peintures vont se détériorer, la corrosion va se former et la vie va s'y installer. Et effectivement, aujourd'hui, on a des récifs incroyables avec toute une vie. Voilà. Ce sont vraiment des sites assez exceptionnels également du point de vue de la vie qui s'y développe. Alors bien sûr, ça attire les poissons, les homards, mais ça attire aussi les bactéries. Oui, absolument. Ces bactéries qui peuvent également jouer un rôle clé dans les processus de corrosion, donc détérioration de cette coque en acier. Et aujourd'hui, on essaie de comprendre à la fois comment ces aciers se détériorent et comment on peut les protéger tout en respectant finalement ces petits habitants qui sont sur ces épaves. Lila Reboul, je disais que ces épaves étaient aussi des points d'activité et d'attractivité économique. Qu'en est-il ? Oui, ce sont des sites qui voient un développement de faune et de flore. Donc du coup, les pêcheurs peuvent être évidemment intéressés et travaillent autour de ces épaves. Ce sont aussi des sites de plongée, évidemment. Donc il y a une forte activité liée à la pêche et au tourisme qui entoure ces sites-là. Lila Reboul, la dégradation des épaves est bien entendu une perte pour le patrimoine, mais constitue aussi un vrai risque écologique le long du littoral. Au passage, on rappellera qu'en février, le porte-avions Foch a été sombré dans les eaux brésiliennes, dans des abysses donc de l'Atlantique, et constitue désormais une sorte de bombe environnementale. Oui, effectivement, les épaves métalliques sont pour beaucoup des sortes de bombes à retardement, puisqu'elles sont évidemment, pour certaines, encore chargées, enfin pleines de leur carburant. Et ensuite, toutes les épaves liées aux conflits mondiaux, premier et second conflit mondiaux, sont chargées de munitions, d'engins explosifs. Et on a été d'ailleurs confrontés à ce problème-là dans le cadre du programme SOS, avec une des premières épaves qu'on avait sélectionné, qui était maintenant interdite à la plongée. Alors, il s'agit de l'Alice Robert, coulée en juin 1944. Où se trouve-t-elle ? Exactement. Donc, cette épave se situe au large de Port-Vendre. Elle avait été sélectionnée pour l'exemple, entre guillemets, méditerranéen dans le cadre du programme de recherche, et située donc au large de Port-Vendre, à une cinquantaine de mètres de profondeur. C'était un bateau construit en 1934 qui était un bananier. C'est d'ailleurs un de ses surnoms, qui a été transformé en 1942 en escorteur de troupes et torpillé en 1944. Donc c'était un bel exemple, puisque au moment où il a fait naufrage, il s'est cassé en deux. Les deux morceaux sont à 300 mètres l'un de l'autre et ça permettait d'avoir un espace sans expérimentation et pour pouvoir faire des comparaisons. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été 2020, il y a eu la tempête Gloria qui a causé de nombreux dégâts, qui a fait s'abattre le mât qui était encore en élévation. Et au cours de l'été qui a suivi, la plongée a été interdite, la pêche, le mouillage. Donc on a changé notre fusil d'épaule, si je puis m'exprimer ainsi. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. La dégradation et l'effondrement de milliers d'épaves métalliques modernes gisant le long des côtes françaises constituent donc un enjeu majeur pour la sauvegarde du patrimoine culturel immergé, mais aussi donc pour la protection de l'environnement maritime. Oui, absolument. Ces épaves se dégradent, continuent à se dégrader. L'évolution de leur environnement va faire qu'on va avoir une accélération de leur dégradation. Donc effectivement, ce sont des bombes à retardement. Elles peuvent libérer des produits toxiques, que ce soit donc des carburants, mais également des bombes qui peuvent être effectivement dangereuses pour la sécurité. Lila Reboul, Marine Bell, votre projet Save Our Shipwreck, correspondant bien sûr à l'acronyme SOS, en référence à la plus célèbre épave métallique, votre projet donc tente d'évaluer la conservation de ces épaves. Pour cela, vous êtes penché sur deux d'entre elles. La première, la HMS Daffodil, sombrée à Dieppe. Quelle est son histoire ? Alors, le HMS Daffodil a été construit en 1917 et a participé aux deux conflits mondiaux, a été transformé à plusieurs reprises et a participé au débarquement de juin 1944 et a fini par sauter sur une mine en 1945. Donc là encore, c'est une épave qui s'est brisée en deux et c'est donc une des épaves qui a été choisie pour l'expérimentation avec un milieu environnant très différent de la Méditerranée. Elle avait contribué au débarquement ? Elle avait contribué au débarquement en 1944, effectivement. Parce que c'était un bateau qui a transporté et des troupes et du matériel à différentes époques de sa navigation. Alors ce bateau constitue à lui seul une sorte de curiosité, puisqu'il est lié à deux conflits mondiaux, mais aussi parce qu'il a été largement transformé. Comment est-il de nos jours ? L'épave te trouve comment ? Alors aujourd'hui, le Daffodil, puisque c'est le nom que ce bateau a pris au cours du second conflit, le Daffodil repose entre 20 et 28 mètres de profondeur au large de Dieppe, sur un fond sableux. Donc ça constitue véritablement une sorte d'oasis où la faune et la flore se développent au gré des saisons. L'épave est parfois recouverte de moules, parfois d'étoiles de mer. Il y a beaucoup de crustacés et énormément de poissons. Donc c'est vraiment une très belle épave qui fait une centaine de mètres de long. Pour vous, c'est un bateau assez emblématique ? C'est un bateau assez emblématique de cette côte-là et des conflits mondiaux, effectivement. Il serait brisé en plusieurs bouts ? En deux morceaux principaux. Après, comme toutes les épaves métalliques, elles s'effondrent, elles se disloquent et il y a des éléments qui se détachent petit à petit. Tout en acier, le Daffodil possède-t-il encore aujourd'hui un peu de métal ? Les bactéries l'ont-elles définitivement rongé jusqu'à l'os, Marine Bell ? Alors oui, il y a encore du métal sur l'épave du Daffodil et heureusement, puisque pour nous, l'intérêt de ce projet était de protéger ce métal. Donc effectivement, certaines parties sont encore présentes, même si la continuité, on va dire, de l'ensemble de l'épave n'est pas forcément assurée. De nombreuses couches de corrosion sont aujourd'hui représentent en fait le bateau, puisque les couches de corrosion sont centimétriques et par-dessus, il y a des gangues de concrétion qui sont liés au développement des animaux en surface et du dépôt calcaire. Et donc, notre problématique est de conserver ce métal en dessous, mais également ces couches de corrosion qui constituent l'épave en elle-même. Mais ces couches de corrosion, quelque part, elles protègent aussi le bateau ? Alors oui, oui, absolument. Au moment de sa perte, le bateau a commencé à se corroder. Donc là, très rapidement, les vitesses au départ sont rapides au moment de l'immersion. Puis, tout doucement, voilà, les vitesses vont se ralentir, l'épave va se corroder de plus en plus doucement, mais on n'est pas à l'abri, ça va finir par se corroder entièrement, et donc on n'est pas à l'abri non plus d'événements ponctuels qui vont venir accélérer ces processus de corrosion, ou la présence effectivement de bactéries qui vont accélérer les processus de dégradation. Des plongées ont été opérées pour prélever bien sûr des échantillons de tôle afin de créer des témoins de référence. L'objectif est de comprendre les mécanismes donc de corrosion, mais aussi de mettre en place des traitements nouveaux. Oui, absolument. Il faut savoir que, en fait, au moment l'épave s'est perdue, on a créé donc ces couches de corrosion se sont créées sur le long terme. On a des couches qui ont 60 ans, 70 ans, jusqu'à 120 ans pour l'épave du Liban Méditerranée. Et donc on a énormément de produits de corrosion. Et donc l'objectif est de comprendre comment elles se sont formées, de les caractériser et de protéger l'épave. Et on va utiliser un processus ancien qui est connu, qui essayer de mettre au contact un matériau moins noble pour qu'il se corrode à la place de l'épave. Donc votre principal outil, c'est la cathode. Oui, voilà. En fait, on va placer des métaux moins nobles que le fer, notamment ici l'aluminium, au contact du fer pour pouvoir qu'ils vont se dégrader. En fait, l'aluminium va jouer le rôle d'anode, de se dégrader à la place de notre acier, de l'épave. C'est le principe de l'électrolyse, non, quelque part ? Oui, oui, oui, c'est une pile. Et au départ, on peut citer dans l'histoire, en fait, la découverte un peu de ce phénomène grâce aux protections anti-fouling des bateaux en cuivre qui étaient fixées au départ par des clous en fer, et très rapidement les clous se détérioraient. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'il se produisait quelque chose dans l'eau de mer entre un métal, le cuivre, et un métal moins noble, donc le fer. Et donc en réfléchissant à ce processus, ils ont changé les clous et ils ont utilisé des matériaux un peu plus nobles, et donc on a lutté contre la dégradation. Aujourd'hui, c'est le même système, sauf que cette fois-ci, notre métal noble, c'est le fer. Donc le principe, c'est la protection cathodique par anode galvanique, tout ça est très compliqué, qui consiste à installer une anode qui va être sacrifiée, c'est à peu près le terme, et qui se corrode au profit du métal de l'épave, c'est ça, hein ? Tout à fait. Le but est donc de faire un transfert. Ça se fait rapidement ? On voit des progrès ? Alors oui, c'est immédiat. À partir du moment où les deux métaux sont au contact, immédiatement la réaction se produit. Là, la chose qui est différente, c'est qu'on applique ça sur des couches qui sont corrodées depuis longtemps et donc qui sont complexes. Et donc c'est pas aussi simple que de travailler directement sur le métal nu. Donc on va étudier la transformation également des produits de corrosion qui sont présents au-dessus du métal. En régie, on me demande si cette pratique ne polluerait pas. Les poissons aiment les cathodes ? Alors effectivement, c'est une des questions majeures de ce programme également. Alors aujourd'hui, on a travaillé avec des anodes galvaniques. Donc effectivement, on va relarguer dans l'environnement un petit peu d'aluminium. Mais l'objectif aussi, c'est d'aller travailler à terme avec du courant imposé. C'est-à-dire cette fois-ci de ne pas déposer un métal au fond de l'eau qui viendrait se détériorer, mais de venir avec un générateur pour installer du courant et limiter la dégradation. Lila Reboul. Du coup, j'avais une question à Marine. Est-ce que l'idée, ce n'était pas aussi, dans le cadre du programme, de faire un aller-retour avec l'industrie ? Parce que finalement, ce système de protection est utilisé dans l'industrie et ils utilisent des très très grandes quantités d'anodes en se disant qui peut le plus, peut le moins. Oui, alors justement, votre quotidien, ce sont les aciers des ponts, hein, j'ai lu, les charpentes métalliques, voire quelques sculptures, notamment par exemple la grande araignée de Calder. Cette fois-ci, la vraie difficulté, c'est qu'on est sous les eaux. Oui, absolument. Alors, on est spécialisé dans la corrosion du métal, qu'il soit ancien ou d'aujourd'hui, qu'il soit dans tout type d'environnement. Dans le cadre du projet SOS Épave, effectivement, l'objectif était d'apposer ces anodes sur ces systèmes corrodés anciens. Effectivement, les systèmes de protection par anodes galvaniques sont utilisés aujourd'hui sur de nombreux systèmes portuaires et des bateaux. Effectivement, on peut faire le parallèle et sur la compréhension des mécanismes et l'impact de la dégradation de ces anodes dans l'environnement. En parallèle, et à titre bien sûr de comparaison, vous êtes intéressé à une autre épave, cette fois-ci en Méditerranée, le Liban. Le Liban, qui a été construit en 1882, donc plus ancien que le Daffodil. Donc c'est un bateau qui est rentré dans le programme après justement que l'Alice Robert ne soit plus autorisée à la plongée. Donc ce bateau a fait naufrage en 1903. C'était un bateau qui faisait du transport de passagers et de marchandises. Et en juin 1903, il partait pour la Corse, chargé d'une centaine de passagers et de matériel pour les écoliers. Et il s'accroche à un autre navire de la même compagnie maritime. C'est incroyable. Exactement, de la compagnie Fraissinet, donc l'insulaire, par un défaut de compréhension entre les deux commandants. Ils se sont vraiment épronés. Et donc le Liban a tenté, enfin en tout cas le commandant du Liban a tenté de sauver son navire en se rapprochant des îlots du Farillon, qui sont proches de l'île Mère dans la rade de Marseille. L'insulaire, lui, est reparti dans le port de Marseille à la Joliette. et ce qui a posé. Donc c'est un des grands naufrages de Provence, mais aussi un des grands scandales puisque la compagnie était impliquée, le commandant a été mis en question parce qu'il n'a pas porté assistance. Ensuite, il y a des pieds lourds qui sont intervenus pour récupérer les corps. Les scaphandriers pieds lourds, exactement. Qui était entre guillemets payé au nombre de victimes qu'il ramenait. Et forcément, l'appât du gain a entraîné un malheureux accident. Et donc, il y a eu une victime supplémentaire à la suite parmi les scaphandriers pieds lourds. Et on ne connaît toujours pas le nombre donc, de morts sur ce naufrage. Et en revanche, quand vous avez plongé, les canots de sauvetage étaient encore là. Alors, les canots de sauvetage sont plus là, mais il y a les attaches. Les attaches qui permettent justement la mise à l'eau des canots de sauvetage, qui sont en position pour les mettre à l'eau. Et voilà, c'est une épave qui repose à une trentaine de mètres de profondeur, entre 30 et 39, et qui fait une 90-100 mètres de long. Marine Bell, le Liban est cette fois en fer et non plus en acier. Se dégrade-t-il plus vite que le daffodil ? Alors, c'est une question un petit peu complexe, puisqu'on là, en fait, de nombreux paramètres vont jouer un rôle sur la dégradation. Donc, effectivement, l'alliage de départ va jouer si le bateau était peint ou non, et l'environnement va avoir une influence importante. Alors, le Liban, aujourd'hui, est très corrodé. Lila, je pense, tu pourras le confirmer. Donc, on a très peu de métal encore présent. On en a, mais effectivement, le Liban est très corrodé. Quelle est la vie en général d'ailleurs d'un bateau en métal ? Vous allez me dire, ça dépend de sa taille, etc. Mais est-ce qu'on peut se faire une idée, malgré tout ? Dans le cas du Liban, il a fait naufrage et pendant un moment, on voyait apparaître encore le mât. Donc il y a des parties qui peuvent être toujours hors d'eau et d'autres qui sont immergées. Et d'une manière générale, les épaves métalliques, donc la corrosion va fragiliser ce qu'on appelle les superstructures. Et petit à petit, des cassures vont se créer et des effondrements. Et petit à petit, en fait, on voit l'épave qui vraiment s'affaisse et disparaît. Alors, c'est pas qu'elle s'enfonce dans le sédiment, mais c'est vraiment qu'elle s'écrase sur elle-même et ne reste en élévation que les parties solides, les treuils, les guindeaux, les chaudières, vraiment les parties les plus massives du navire. Il aurait beaucoup souffert depuis 3 ans ? Alors, depuis le début du programme, effectivement, on a vu des changements. Alors, pas tant sur l'effondrement, puisque malheureusement, elle est déjà très, très, très affaissée, mais plus au niveau de la flore qui a souffert d'une canicule l'été dernier. Et donc, les gorgones, qui étaient encore magnifiques au début du programme en 2020, ont changé de couleur et donc elles sont vraisemblablement toutes mortes. Voit-on aujourd'hui une accélération de la dégradation de ces épaves ? On voit un affaissement, on voit des effondrements. On a aussi aujourd'hui des moyens de mesurer qu'on n'avait pas il y a encore quelques années, mais on voit aujourd'hui, à la suite des tempêtes, à la suite des grosses chaleurs, des mouvements sur ces épaves qu'on observe beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Marine Bell, grâce à cette méthode, allez-vous sauver notre patrimoine sous-marin récent ? C'est une grande responsabilité. Alors j'espère que nous allons pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, si je puis dire, et effectivement au moins nous laisser le temps en fait de les étudier et de comprendre un peu les matériaux, leur dégradation et étudier leur histoire encore un peu plus. Lila Reboul, Marine Bell, merci beaucoup. Merci. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Fabien Capel. Et bien sûr, avec la contribution de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.